te voler. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux, c'est la musique. Bonjour à tous les auditeurs auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Bienvenue sur nos ondes et merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h. Bonjour la Suisse, la Belgique, l'Italie. Un petit coucou au Fan Club. Alors, je fais de gros bisous à ma petite fille Emma qui fête ses 4 ans aujourd'hui. Voilà. Gros bisous Emma. Bonjour Marc. Bonjour Gilles. Ça va? Bah écoute, pas trop mal lui. Ah bah c'est bien. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Pour ce jeudi, j'ai choisi de faire une émission coup de cœur. Comme vous avez pu le voir sur la publication, avec les chansons des artistes que j'ai reçues en interview. Et puis quelques surprises et dédicaces. N'hésitez pas à nous laisser bien sûr des messages sur la page Facebook de Radio Gemozo et sur la page Gilles Mougel, l'officielle. Je fais des bisous à ma petite équipe. Et je vous attends bien sûr nombreux au 03 29 62 40 40 pour un petit coucou sur nos ondes. Ne soyez pas timides et appelez. Alors aujourd'hui je vais faire beaucoup de bisous et de coucou. Ben bien sûr, oui, pourquoi? Ben voilà, parce que tous ces artistes que j'ai reçus dans mes émissions et tout, on est tous restés pour la plupart amis, et ça fait vraiment plaisir. C'est toujours des beaux partages que nous avons, soit en studio ou par téléphone. Voilà ce que je voulais dire pour l'intro. Alors, nous allons commencer par une première chanson. Je vous ai parlé de dédicace. Alors, je vais me faire une petite dédicace à moi-même pour commencer avec cette chanson de Dev. C'est un medley, on écoute. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Pour que l'on se rencontre, est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. Bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier âge. sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant j'y paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille. La fille incendiaire que l'on dit légère, connue sous le nom de Laura, a mis dans mon âme le feu et la flamme. Le pire de l'histoire, c'est qu'elle ne l'éteint pas. Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Un petit retour dans la nostalgie. Merci Mika pour ce montage. Alors maintenant nous allons écouter une chanson. Alors il faut que je m'applique. Smoke Gets In Your Eyes de mon ami Pierre Charby. On écoute. Me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. Said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I checked and I never left to think they could doubt my love. Yet today my lover's flown away. I'm without my. Tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when the lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Smoke gets in. Beau titre, voilà, de Deep Platters, mais là, chanté par Pierre Charby. Alors Pierre, si toutefois tu es à l'écoute, je te fais des bisous ainsi qu'à Cathy. Et n'oublie pas que je t'attends pour un nouveau volume sur les crooners, hein, bien sûr. Prends soin de toi. Voilà. Alors là, on va envoyer du lourd. Vous allez comprendre. On va écouter une chanson, une toute nouvelle chanson du dernier album de Denis Simon, qui s'intitule « Les gars de la Maureen ». Bon, avant les gars, en avant les gars de la Morine. Prépare les bancs, les barriques, les tonneaux, qu'on y pose nos culs. Et en avant les gars, en avant les gars de la Morine. Dans l'océan, on a assez bu, on fait péter les fûts. Les gars de la Morine. Alors, Denis viendra nous présenter son tout nouvel album. Voilà. Ça sera le jeudi 11 avril. Je le recevrai donc dans nos studios. J'espère avec sa belle choriste. Alors, Denis, si tu m'écoutes, je te fais un petit coucou, bien sûr, en attendant de te recevoir. Voilà. Puis tu fais des bisous aussi à Louane et puis à Carole. À très bientôt, Denis. Voilà, vous verrez, ça va chauffer dans les studios avec ce nouvel album de Denis, ça va être formidable. Alors on va écouter maintenant Philippe Savannah avec ce titre « Danser ma vie ». Plein d'étoiles, rêve de la plus belle plage de sable au soleil, rêve, n'arrête pas de rêver, rêve, demain on peut s'en aller, toi et moi, tout quitter. Par amour, mon amour, viens, je t'emmène danser dans ma vie. On va s'éclater, c'est promis, comme deux enfants qui n'ont

Les gens qu'on aime, très belle chanson de Patrick Fiori. C'est vrai que de Patrick Fiori, pardon. C'est vrai qu'on le dit pas souvent assez aux gens qu'on les aime tant qu'il est temps. Alors voilà, cette chanson est une dédicace pour ma petite femme Patricia. Voilà. Alors désolé, Patou, hein, mais si tu veux voir un jour Patrick Fiori dans nos studios, je pense que c'est pas demain la veille. C'est pas facile avec la prod. Hein. Voilà. On retrouve maintenant, je te fais des bisous, on retrouve maintenant Jean-François Valence avec ce titre « La force de l'amour ». Vois, pas à pas, je ne guérirai plus de toi, c'est inscrit sans nom dit. Sur les moindres tables de notre loi, cette grande histoire ne mérite pas que l'on vive petit. Si ça c'est l'amour, ce besoin qui me tresse à toi, tu seras sans détour. Sans cri ni secours, je crois en nous plus qu'à la vie. Vois dans ma voix, toutes mes peurs s'envolent en éclats. J'imagine dans mes films que tu me fais toute une île de tes bras. J'aime à jamais et le cœur en croix, comme on n'aime qu'une fois. Si ça c'est l'amour, ce besoin qui me tresse à toi, tu seras sans détour le plus fou de tous mes combats. La force, sans cri ni secours, je crois en nous plus qu'à ma vie. Aujourd'hui, je sais, je sens qu'on n'a qu'un amour dans le sang. Toutes les autres ne sont que des histoires. C'est ça, c'est l'amour. Quand ma peau se dresse sous tes doigts, je sais sans retour que je tremblerai quand tout refroidit. La force de l'amour, c'est défier tout, même le sursis, sans cri ni secours. Notre limite, c'est l'infini. La force de l'amour, c'est s'avouer quand on est en exil fragile. Jean-François Valence, La force de l'amour. Ça, c'est le titre du tout dernier album aussi de Jean-François, donc que je recevrai bientôt en interview. Alors, bisous à toi, Jean-François, ainsi qu'à Camille, et puis à bientôt. On écoute maintenant le duo Anaïs et Fabien avec ce titre « Je ne veux pas rentrer ce soir ». Je ne veux pas rentrer ce soir. Restons là jusqu'au petit jour. Je pourrais prendre ma guitare, je te parlerai d'amour. Je ne veux pas rentrer ce soir. Je ne veux pas te voir partir. Nous ferons de ce premier soir

mon esprit part au loin. Silence factice, vers des pays lointains. Vitraux qui se lissent. Viens sur le temps, fil de l'air et du vent. Cathy Varna, une belle artiste, Cathy Varna, une belle voix et très sympathique, que j'ai reçue le 31 janvier 2019. Enfin, non, je ne l'ai pas reçue, j'ai eu par téléphone, c'est dommage. On a une belle photo là devant nous. Alors, n'hésitez pas à m'appeler au 03 29 62 40 40. Hein, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur sur Radio Gemozo. Voilà. On va écouter maintenant Frédéric Arnaud avec ce titre Turbulence. Sur tes lèvres muettes s'envolent tous les mots en lente vague. Résonne en moi l'écho. Et tu bois dans mes rêves, mes folles nuits de songe. Doucement sur la grève, les secondes s'allongent. Entre le sable et l'eau, sur la terre promise, je cherche à l'infini la moindre de mes prises. Quand tu reviens à moi en un soleil fondu, de ton souffle à tes gestes, je me sens suspendu. De jour comme de nuit. un murmure me soulève. Un tête-à-tête sans trêve m'entête et puis j'en crève. J'aspergerai le sens des lueurs des sirènes qui m'enflamment le cœur et coulent dans mes veines. Le titre éponyme du tout dernier album de Frédéric Arnaud. Voilà, Frédéric, ben merci pour ta sympathie et puis ton professionnalisme. Juste avant, je crois qu'il y a avant de prendre le téléphone, juste deux petites minutes. Je voulais dire, j'ai beaucoup d'hommes dans cette playlist, mais bon, c'est mon agente qui contacte les artistes. Alors voilà, c'est comme ça. On prend le téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. Vous êtes, j'ai pas reconnu la voix. C'est Emmanuel de Radio Love Star. C'est Emmanuel. Oui. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Très très bien, je suis très heureuse de t'écouter. Ah ben merci, ben c'est gentil de ton appel aussi. Ça me fait plaisir aussi. Ouais, bien sûr, et puis ben je tu sais, j'avais prévu une petite dédicace, bien sûr, on va l'écouter après. Hein, et puis ben, c'est vrai que ben, je voulais te remercier voilà, de ton soutien et puis de ton coup de pouce dans ton émission. Mais je suis là pour ça aussi. Bah oui, je sais, nous on est tous là, hein, c'est vrai pour les artistes. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis bon, ben, je t'ai écouté bien sûr, c'était donc mardi, hein, c'était mardi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis voilà, il y a le tchatch aussi, c'est sympa. Il y a une ambiance dessus, c'est sympa. Et puis ben, ton émission, voilà, il y a de belles chansons de différentes. De très belles émotions et oui, voilà, de c'est bons ça. Échanges, ouais, j'apprécie ouais, beaucoup. Ouais, oui. De beaux partages. Mm-hmm. Ah, mais c'est vraiment, ça me fait plaisir que tu appelles, Emmanuel. C'est gentil. Tu ne t'y attendais pas parce que je voulais non, pas te dire. Non, non, je ne m'attendais pas. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Ça touche, hein, ça touche beaucoup. Mais c'est j'aime vrai. Bien faire des petites surprises comme ça de temps en temps. C'est bien. Puis comme je disais juste avant que je te prenne à l'antenne, si tu as remarqué dans ma playlist, il n'y a pas beaucoup de dames. Non, pas trop, j'ai vu. Il n'y a pas trop de dames, il y a beaucoup d'hommes. Bon, voilà, c'est vrai, c'est les artistes que j'ai reçus voilà, donc, en live ou en phoneur à la radio. Mmh. Mais le problème, c'est pas un problème, elle va sourire. Je veux dire, c'est mon agente qui choisit les artistes. Alors tu comprends, elle choisit plus les messieurs, tu comprends, voilà, c'est ça. Voilà, une référence pour les hommes, bah, c'est les hommes. Hein. Non, mais c'est ma petite note d'humour, hein, tu vois, j'aime bien. Oui, toujours, non, mais y a pas de soucis, je comprends la plaisanterie, il n'y a pas de problème. Donne une petite note d'humour dans mes émissions. Donc voilà, alors Emmanuel, tu nous appelles d'où, dis-nous voir. Du Val d'Isère. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit oui, de Val d'Isère. Ouais. Il fait beau chez toi là-bas? Ouais, il y a du soleil aujourd'hui, ça se passe bien. Il y a du soleil chez toi. Ah, tu as de la chance. Alors nous, c'est flotte, le soleil revient, après ça, de nouveau la flotte. Enfin, toi, c'est mitigé, quoi. Bon, bah, je vous envoie tous et toutes un bon rayon de soleil de ma région pour illuminer ta belle émission. Oh, bah, merci, Emmanuel. C'est déjà dans ta voix et puis ton sourire, on a déjà le soleil. Merci, c'est sympa. Écoute, merci à toi aussi de me recevoir. Mais avec plaisir. Et puis bien sûr, ben, on reste en contact. Hein, Oui, aucun souci, avec plaisir. Ouais. Alors, tes émissions, c'est, tu les fais régulièrement tous les mardis, parce que bon, c'est vrai qu'il faut dire on se connaît il n'y a pas très longtemps. Hein. Mmh. Tu les fais tous les mardis aussi ou... Alors, c'est tous les mardis de 16h à 18h 16h à 18h. Et les vendredis de 20h à 22h. D'accord, ok. Et demain, j'ai une émission spéciale. J'ai entrepris de faire une émission pour les femmes, hein, parce que c'est la journée de la femme demain, donc ah, oui, les femmes sont à l'honneur. D'accord, d'accord. Et ça, demain, c'est à quelle heure ? De 20h à 22h. De 20h à 22h, ok, d'accord. Eh bien, je serai peut-être à l'écoute, je vais écouter ça. Tu es le bienvenu. Les hommes ne sont pas exclus. Ah bah non, non. Je suis bienvenue dans le salon. Oui, comme d'habitude. Ah, on va dire comme ça. Il n'y a aucun problème. D'accord. Eh bien, écoute, Emmanuel, je te remercie de ton appel. Eh bien, écoute, le plaisir a été pour moi de discuter un petit c'est peu gentil, avec toi. C'est gentil, ça a été une puis, belle surprise. Bien bonjour à ton équipe et puis à tous les auditeurs, voilà. D'accord, merci bien. Et puis, ben, écoute, tu sais, on va écouter Slimane. Oui. Hein, avec cette chanson, Viens, on s'aime. Enfin... Ah oui, ça, c'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur et voilà, je la dédicace à tout le monde, voilà, à toi, d'accord, moi, ouais. À nous, à vous, voilà, à tout le monde, voilà, comme je dans dis... mon cœur. Ouais, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on a entendu Patrick Fiori, hein, il faut dire aux gens qu'on les aime tant qu'ils sont là, et on ne se dit pas assez souvent. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Voilà, Emmanuel. Eh bien, merci écoute, beaucoup. Je te dis à bientôt. Et à bientôt. Je te fais des gros bisous et puis à très bientôt. À très bientôt, gros bisous. Et merci de ton appel. Avec plaisir, Michel. Au revoir. Au revoir. Voilà, on écoute Slimane, Viens, on s'aime. À contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Viens, Sam, voilà, Slimane. Donc pour toi, Emmanuel, merci pour cette belle surprise sur nos ondes. On retrouve Rino Lombardi. Je l'avais reçu avec sa chanteuse, Natacha. On avait passé un bon moment ensemble en studio. C'était le 8 novembre 2018. Ça passe vite. On écoute cette chanson, Nos 20 ans. S'est enfui. C'est bon d'aimer la vie. Tant pis si tout ne va pas aussi vite qu'avant. Tant pis si l'on voit s'en aller tous nos enfants. Tant pis si elle nous semble vide la maison. Tant pis si aujourd'hui sont si loin nos 20 ans. Natacha, voilà deux beaux artistes de la région Alsace. Et nos 20 ans, ils sont loin. Voilà, je fais dans la nostalgie, moi, en ce moment. Alors, on retrouve Michel Tosca, c'est un artiste belge qui nous chante et surtout ne m'oublie pas. Surtout ne m'oublie pas quand je serai loin de toi. Si je dois te quitter, il ne faut pas pleurer. Et surtout ne m'oublie pas. Je reviendrai surtout ne m'oublie pas. Écris-moi de temps en temps. Parle-moi de ta vie. Surtout, ne m'oublie pas. Quand j'aurai le mal de toi, pendant ces longues nuits, où je serai sans toi. Et surtout, ne m'oublie pas. Michel Tosca, surtout ne m'oublie pas. Non, non, Dany, je t'oublie pas. Dany nous a rejoint, coucou Dany. J'espère que tu vas bien, alors voilà. Donc Michel Tosca, je dis un artiste belge, hein, voilà, qui avait repris cette chanson du groupe Crazy Horse, des années 70, une belle interprétation. Alors, aujourd'hui, je suis toujours sérieux. Bon, je me lâche un petit peu, j'ai pas d'interview, c'est un petit peu plus cool. Bien que ce soit très agréable de faire des interviews, mais voilà, c'est un petit peu plus cool. Alors, je viens de recevoir un petit message, ça me fait sourire. Ça vient d'une auberge, je ne donnerai pas le nom. Les grenouilles sont arrivées. Les grenouilles sont arrivées avec salade et lard et beignet râpé. Ça doit être pas les mauvais. C'est Sandrine qui nous dit ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Allez, on continue avec Christian Vidal et son Madison Chouchou. J'ai un Madison qui me tourne dans la tête. Une soirée de joie, une soirée de fête. Toi qui me regardes et moi qui m'attends. Mais quel doux sourire accroché à ton visage. Je ne sais que dire, je change mes pas. Je vais m'avancer pour me rapprocher de toi. Un air de country qui danse et cadence ma vie. Chouchou, le chouchou de tes rêves. Je ne sais que dire, je suis près de toi. J'ai pris sans retour le ticket de l'amour. Un air de country qui danse et cadence ma vie. Chouchou train. Le cœur prélude au bonheur. Chou-chou train, on entre en gare. Chanson entraînante de Christian Vidal. Alors, je la dédicace à Sylvie, qui est une fidèle auditrice et qui était présente sur nos trois samedis musicaux. Voilà, ainsi que pour Evolène. Evolène, elle était présente dans nos studios avec Christian Vidal. C'était le 1er novembre 2018. Alors, nous allons retrouver maintenant Jean. Ah, Jean, c'est un personnage, Jean. Jean Le Monnier, avec ce titre Idole, Idole. On court tous après un rêve, et ceux qui nous font rêver, on les adore, on les aime, on voudrait en les toucher. On aimerait que ça dure, et ces moments de paix, de faim. Tu es là qui nous rassure, un peu complice, un peu copain. Idole, idole, j'aime, j'aime tout de toi, et tes paroles, et tes chansons. Idole, idole, j'aime, j'aime que ta voix m'emporte, et c'est si bon. Et dès que tu entres en scène, et tu te mets à chanter, le temps s'arrête et s'égrène, des refrains qu'on attendait. On aimerait que ça dure, et ces moments ne prennent fin, que le voyage, l'aventure, là se poursuive jusqu'à demain. Idole, idole, j'aime, j'aime tout de toi, et tes paroles, et tes chansons. Idole, idole, j'aime, j'aime quand ta voix m'emporte. Et c'est si bon. On court tous après un rêve, et ceux qui nous font lever, debout enfin sur nos chaises, ce besoin de t'acclamer. On aimerait que ça dure, et ces moments nous prennent fin. Dans la salle, ils se murmurent que pour saluer, tu reviens. C'est si bon. Idole, idole, j'aime, j'aime tout de toi, et tes paroles, et tes chansons. Idole, idole, j'aime, j'aime quand ta voix m'emporte, et c'est si bon. Idole, idole, j'aime, idole, idole. Il est 17h02 pardon, sur les ondes de Radio Clémozo. Vous avez encore une petite trentaine de minutes pour me faire un petit coucou au téléphone. Hein, n'hésitez pas, 03 29 62 40 40. Voilà, faites comme Emmanuel tout à l'heure, ça fait plaisir. Alors, on vient d'entendre Jean Le Monnier. Alors, c'est, Jean a fait un album, là, donc, intitulé Un peu de moi. On vient d'entendre un extrait, là. Alors, Jean, c'est un artiste plein de bonne humeur et de talent. On a fait une émission tout en bonne humeur avec Jean. Je te fais un petit coucou, Jean, si toutefois tu m'écoutes, voilà, si tu es à l'écoute. On va retrouver maintenant Saïd Maïlé, que j'ai reçu, non, je n'ai pas reçu, je l'ai eu en phoneur le 7 février, c'est tout, c'est encore assez récent, tout, 7 février 2019, avec cette chanson. C'est vrai, on n'avait pas eu le temps de la passer, mais c'est une très belle chanson qui s'intitule « Ça ira mieux le monde ». Sur un tapis volant, tout près de la lune, lancera des milliers de gens à danser dans l'azur du temps. Et l'on se projettera dans un mur de lumière à jouer aux fantômes géants. Et on ira courir dans le vent des chimères pour attraper les dragons aux plumes d'argent. La fêle de paupières, dans la grandeur de la voie lactée, tous nos messages et nos prières voyageront sur une voie de liberté. Et l'on se laissera glisser sous la toile du rêve, sous la coupole et légère animée, et tous nos joyaux conçus aux dentelles sur la crinière brune d'un vent glacé. Ça ira mieux le monde, voilà une très belle chanson de Saïd Maïlé qui est extrait de son album Renaissance, un artiste humble avec un grand cœur. Alors, on a quelqu'un au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, bonjour les auditeurs, bonjour à vous tous. Bonjour Dani. Oui, j'écoute l'émission, super émission. Merci Dani. Je vais entendre Saïd. Voilà, Saïd. Ça ira mieux le monde de Francis Combre. Ben voilà, je voulais te faire. Je voulais te faire cette petite dédicace hein, sur la chanson de Saïd, hein, voilà. Voilà. Voilà, avec lequel tu vas travailler, je crois. Hein. Oui, c'est-à-dire, je suis en train de lui écrire des chansons. Oui. Suite à Parolière, apparemment. Et donc, voilà, c'est un vrai plaisir avec une voix comme la sienne. Oui, c'est vrai qu'il y a une belle voix. C'est... Quand on avait fait l'émission, ça a été très sympa. Oui, oui, oui, il est très gentil. Ah, il est très gentil, comme je dis. Ce qui ne gâche rien. C'est un grand cœur. Comment ? Ce qui ne gâche rien. Effectivement, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça va, Dani ? Ben oui, oui. On fait aller, on fait aller. Une petite tendinite, là, qui m'embête. Ah là là là là. Mais voilà, c'est pas... Comme des jeunes, tu sais, comme tout à l'heure, la chanson qu'on écoutait, oui, mais nos 20 ans. Qu'il y fasse des tendinites, je crois pas. Où sont nos 20 ans, hein ? Oui, mais des tendinites, non. tu as quel temps chez toi, Dani ? C'est très chaud. Il fait chaud ? Il y a du vent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y a du vent quand même, hein, mais je vois, de mon bureau, j'aperçois le soleil. D'accord, d'accord, donc, ok. Oui, je ne suis pas sortie avec ma tendinite, hein, mais... Oui, bien sûr. Mais voilà, donc non, je pense qu'il fait, bon. Mais tu nous envoies un peu de soleil aussi, alors ? Oui, voilà, je vous en envoie à tous, aux auditeurs. C'est gentil. À Saïd, à tout le monde, enfin, tous ceux qui écoutent l'émission. Ouais, ouais, et d'accord. Et à toi, Zy, Aline, bien sûr, sans l'oublier. Pardon ? Je t'ai mal entendu. On en voit aussi Aline, sans l'oublier. Ah oui, bien sûr, oui, elle doit être à l'écoute, Lynn, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, tu vois, ça me fait penser, parce que tu as remarqué, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'artistes masculins. Oui. Hein, j'ai beaucoup d'artistes masculins sur ma playlist. J'ai peu de dames. On a entendu Cathy Varna tout à l'heure. Mais je suis content parce que j'ai deux coups de fil. Et j'ai deux coups de fil avec des dames. Donc, tu vois, c'est bien. Voilà. Voilà. Merci, mesdames. Tu as de la chance. J'ai de la chance. Et puis bah, demain, c'est la journée internationale de la femme. Je ne sais pas si je dis comme je il savais faut. Pas. Ouais, ouais, demain. Si, voilà. Voilà, je ne suis pas trop tout ça. Ouais. Ouais, la femme, bon, je suis une femme, mais j'ai toujours su me débrouiller sans plaider la cause. Oui, oui. Pour les femmes qui ont fait des choses intéressantes, mais bon, sinon, pour la liberté de la femme, bon, moi, je pense qu'on peut se débrouiller toute seule et se défendre seule. Ouais. Après, bon, oui, on peut plaider la cause. Mais bon, ouais. Je crois que ça doit faire son propre chemin, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est un vaste sujet, hein, on va pas, voilà. Hein. Voilà, on va pas épigologuer, quoi. On va pas, on n'a pas le temps, Dani. Non, voilà. On n'a pas le temps. Ok. Écoute, je te remercie, Dani, pour ton coup de fil, c'est gentil. Puis merci d'être toujours fidèle. Enfin, bonjour à tout le monde, voilà. Voilà, bah écoute, le message est passé. Tu sais, voilà, tout le monde écoute, le message est passé. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, hein. Oui, bientôt, il n'y a pas de problème. Entendu, Dani. Bisous. Salut, bisous, à bientôt, Dani, merci. Alors, on va écouter maintenant Lonnie Warner. Alors, Lonnie Warner, je l'ai reçu la semaine dernière. C'est tout frais. Avec cette chanson, La peur du vide. Regardez ces se taisent quand nos chaînes pèsent un peu trop à se nourrir d'amour en eau pour juste un peu frôler la vie quand la morale est un fardeau au premier soir juste avant qu'il soit trop tard ouvrir la porte à nos à nos oublis comme mon silence m'obélit c'est cette faute qui nourrit la peur du vide. l'âme on s'abandonne. Loin des cris du monde, il est dû savoir que la vie nous pardonne. En souvenir gravé l'écho d'un sourire ou de quelques mots. Au fil du temps, le cœur se lasse. Et c'est la vie qui passe. Au premier soir, juste avant qu'il soit trop tard, ouvrir la porte à nos hasards, à nos oublis. Comme mon silence, nos délits, c'est cette faute qui nourrit la peur du vide. Premier soir, juste avant qu'il soit trop tard, ouvrir la porte à nos hasards, à nos oublis. Comme mon silence, nos délits, c'est cette faute qui nourrit la peur du vide. Premier soir, qu'il soit trop tard, ouvrir la porte à nos hasards, à nos oublis. Comme mon silence, nos délits, c'est cette faute qui nourrit la peur du vide, la peur du La peur du vide, super guitariste hein, dans l'équipe de Loni. Alors c'est un titre extrait de son album Tout Simplement. Donc Loni, je l'ai reçu la semaine dernière, encore un bon moment en studio. Donc j'envoie toutes mes amitiés et puis je salue aussi, je fais un petit coucou aussi à Anne, Michel et à Carole qui étaient avec nous en studio. Voilà, alors maintenant on va écouter Michel Sardou. Michel Sardou, Marc, je sais que tu l'aimes bien. Non, mais t'aurais pu attendre 15 jours, dans 15 jours je suis plus là. Mais je voulais te faire plaisir encore un petit peu avant. Donc c'est un medley en live, voilà, on écoute et puis je vous en reparle après. Ouais. Quand j'étais petit garçon, et bien des années plus tard, je chassais des idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chantant. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Chantant la vie. Bravo. Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, on boit, nous on danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les coups et pour se revoir un coup, mais pas payer nos verres pour boire un coup. Et je dirais même un bon coup et rigoler entre nous sur les airs populaires, sur les airs populaires. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier. Mais quand fier de moi j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des wagons. Le rire du sergent, un matin le printemps m'a fait comprendre comment gagner du galop. S'envahit la cour en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Voilà, alors pourquoi cette chanson ? Alors c'est une petite dédicace pour mon amie agente Lynn. Voilà Lynn, je pense que voilà, tu as compris, hein, le rire du sergent, ça ne me sort pas de la tête. Voilà, alors des bisous hein, depuis notre belle région. Alors maintenant, on va retrouver Franck Michael avec ce titre « Nos souvenirs qui dansent ». J'ai toujours nos souvenirs qui dansent dans mon cœur. Tu as beau pour toute une existence vivre ailleurs, c'est fragile autant que la faïence, le bonheur. Mais j'ai tous nos souvenirs qui danse dans mon cœur. J'imagine encore notre premier baiser. On avait 15 ans, dans mes bras tu tremblais. Et quand chaque soir je te raconte, on avait du mal à se quitter. J'ai toujours nos souvenirs qui dansent dans mon cœur. Tu as beau pour toute une existence vivre ailleurs, c'est fragile et plus que l'on ne pense, le bonheur. Mais j'ai tous nos souvenirs qui dansent dans mon cœur. Tes parents jamais ne m'ont reçu chez eux. Je chantais déjà, ça ne faisait pas sérieux. Ils ont préféré un bien meilleur parti. Un jeune homme très riche, ils ont choisi. J'ai gardé la bague que je voulais t'offrir. Quand tu t'es marié, j'ai failli en mourir. À vrai dire, je ne m'en suis jamais remis. Mais je fais comme si j'étais guéri. Thank you. souvenir qui danse. Nos souvenirs qui dansent. Voilà une petite dédicace pour une amie, Cathy, qui se reconnaîtra. Je voulais faire un coucou à Thierry Brenner aussi, parce que avec tous les artistes que vous avez entendus sur cette playlist, Thierry a travaillé avec beaucoup de ces artistes, donc je lui fais un petit coucou. Et là maintenant, on va repartir du côté de l'Allemagne, avec un chanteur de variété allemande, Andy Borg. Alors on écoute, et puis je vous en reparle après. Alors on écoute ce titre, Am Weißen Stern von San Angelo. Ich ging mit dir hinunter zum Strand. Du schaust mich an, ich nahm deine Hand. Wir kannten den Weg, sprachen kein Wort, und all die anderen, die waren weit fort. In deinen Haaren leuchtet die Sonne, Feuer, das mich verbrennt. Und was wir auch schworen, wir waren verloren, wir wussten, es gibt kein Zurück. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heut Nacht. Der Wind und die Wellen, wir hören sie nicht. Ich seh die Tränen in deinem Gesicht. Es quält uns die Frage, warum muss es so sein? Heute zusammen und morgen allein. Ich komme bald wieder, das sagt man so oft. Vieles, was man verspricht. Und was wir auch schwören, wir werden verlieren. Denn Träume erfüllen sich nicht. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heut Nacht. Am weißen Strand von San Angelo, lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heut Nacht. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo Andy Borg, voilà, Am Weißen Stern von San Angelo. Alors je répète, celle-là parce que je me débrouille bien. Alors je traduis sur la plage blanche de San Angelo. Voilà, alors il est 17h27, voilà, l'émission se termine tout doucement. J'espère que, voilà, que cette émission vous aura plu, cette playlist. Moi je voulais remercier tous les artistes que j'ai diffusé cet après-midi, et merci pour leur confiance qu'ils nous accordent à toute ma petite équipe, voilà, Gilles Mougel officiel. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. J'annonce donc l'émission de Mika de 18h à 19h. Mika sera avec son invité Serge Pasquet. J'espère que je n'aurai pas écorché le nom. Voilà, merci Marc pour la technique.